côté. J'ai tout pris pour acquis, tu m'as pas laissé le choix. Cuando veo amanecer, las estrellas desaparecen, pas dit maman. Ta lumière me réveille, ta chaleur m'envahit de regrets, pas dit maman. Chaque larme me rappelle les erreurs de mon être infidèle. Cuando veo amanecer, te canto que te amo como si nada. Il est 14h56, moi je vais vous quitter, je vous retrouverai la semaine prochaine en vous souhaitant d'ores et déjà à toutes et à tous un excellent dimanche après-midi à cette heure-ci, hein, puisqu'il est 14h56. Restez bien évidemment à l'écoute d'Espace, la plus normande des radios avec les sons pour vous accompagner. Et si vous êtes sur la route, si vous circulez, soyez méga prudents et puis un bon dimanche. Enfin bref, plein de bonnes choses. À la semaine prochaine, soyez sages mais pas trop et profitez bien de la vie. Celle-ci est parfois un peu trop courte, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve par avance. Salut et bon dimanche après-midi. Les 15h, bienvenue à tous les Normands et à tous les Picards qui nous rejoignent sur Espace en ce dimanche 9 décembre. On est parti pour 3 heures ensemble, bonne journée et bon après-midi. Sur la plus normande des radios. Louis. Et pour vous faire plaisir, on commence cette première heure ensemble avec Jason Derulo, David Guetta et Nicki Minaj. Goodbye sur Espace. Espace, plus de sons, plus de tubes. Sens de ma vie et je meurs. Ça t'aura

j'ai confiance en toi. Jaloux, j'ai confiance en toi, mais je suis jaloux. J'ai confiance en toi, mais je suis jaloux. Yeah. Uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. 14h26 sur Espace, dans quelques instants, la demi-heure, mais tout de suite, mode souvenir avec Gary Halliwell. It's Raining Man. Passez un très bon dimanche après-midi sur Espace. Normande des radios. 15h30 sur Espace, nouvelle demi-heure ensemble avec dans quelques instants Gone et son Man on the Moon, Slimane vient on s'aime, mais tout de suite on s'écoute Martin Solveig avec son My Love. Bonne journée et soyez très prudents sur les routes. ship waiting for you. For a minute you can use my love.

let me in. Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. La plus normande des radios. 16h14 sur l'espace Normandie-Picardie. J'espère vraiment que vous passez une très bonne fin de week-end. Et d'ailleurs, il est 16h, donc n'hésitez pas, c'est l'heure du goûter. Mettez-vous un petit truc sous la dent, ça fait toujours plaisir. Dans quelques instants, Big Flo Yoli, Petit Biscuit avec Demain, Dadju avec son titre Django. Mais tout de suite, Andrew Spencer, What a Feeling sur l'espace. Bonne journée. What a feeling.

Espace, les meilleurs souvenirs. 16h26 au Cire Espace, en Normandie, en Picardie, du côté de Wetteville, de Pinterville ou encore même d'Amfreville. Dans quelques instants, la demi-heure, mais tout de suite, mode souvenir et vous l'aurez reconnu, c'est WEM avec Wake Me Up Before You. Go, go, go, excellente journée sur Espace. Normande des radios. 16h30 sur Espace. Dans quelques instants, on écoute David Guetta, Bebe Rexha et J Balvin pour leur titre Say My Name ou encore l'artiste Carolina Mafiosa. Mais tout de suite, Martin Garrix et Justin Milo, Burnout. I'm coming for you. You're gonna feel me like the summer, like the sun in your eyes. Hold tight, another minute, another hour, baby, I'ma show you you can rely. A small cloud, trying to find ground in the place where we belong. We don't have to dream to make it beautiful. Baby, everything we do is beautiful. We can light a fire and watch it ever glow. We won't burn out, we won't burn out.

mode, souvenir. Écoutez, Espace. 16h57 sur Espace Normandie Picardie. Merci de nous avoir choisis. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre page Facebook ou encore Twitter ou même Instagram avec Espace Normandie ou sur ma page Facebook Pro directement. Louis Radio, tout de suite, mode souvenir pour cette deuxième heure ensemble qui se termine avec les Bee Gees et Night Fever sur Espace. Bienvenue à tous les Normands et à tous les Picards qui nous rejoignent sur Espace en ce dimanche 9 décembre. On est parti pour une troisième et dernière heure ensemble. Bonne journée et bonne fin d'après-midi. Sur la plus normande des radios, Louis. Allez, c'est parti, on commence cette troisième et dernière heure ensemble avec le nouveau Sound of Legends et Hold That Sucker Down sur Espace. Espace, plus de son, plus de tune.

Oh yeah. à la sur Espace. Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. 17h26 sur Espace Normandie Picardie. Juste avant la demi-heure, on passe en mode souvenir comme à notre habitude avec Jazzy D et son titre Get On Up. Excellente journée et bonne fin d'après-midi. Even sang. The U.S. ain't from east to west. It's the land where the DJs rock the best. But all the other MCs from the other states, they be coming my way to participate. But when they come away, you can't believe how I pull them rhymes down out of my sleeve. See, I'm a rapper magician, the man of the year. And all the other MCs just disappear. With the stroke of my hand and a word in the mic, I rock to the rhythm all through the night. And when the night is gone, that's okay. I rock to the beat all through the day. Well, I'm through for now, but I'll be back. My name is Jazzy D, and you know that. And you know that. And you know that. Everybody get on up. Get on up. Get on up. Everybody get up. Everybody get up. Get on up. Get on up. Everybody get up. Everybody get up. Get on up. Écoutez. Espace. La plus normande des radios. 17h30 sur Espace Normandie Picardie. Dans quelques instants, on écoute Amir, Les Rues de ma peine, Alvaro Soler, La Cintura. Mais tout de suite, Jack Jones et Mabel et leur Ring Ring sur Espace. Are you crazy? You said you were home.

skies like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. Now it's all good, babe. Well, that backward, babe. Let me 45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Maroon 5 avec Girls Like You sur Espace Normandie Picardie. Déjà 17h54, le temps est passé à une vitesse folle, c'est incroyable. Et dans quelques instants, le mode souvenir. Mais juste avant, c'est notre cher et grand ami David Leroy pour votre programme télé de ce dimanche soir. Excellente journée à vous. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 9 décembre. Ce soir sur TF1, techniquement la chaîne sera leader. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est une rediff, mais ça reste quand même l'une des meilleures comédies de ces dernières années avec Christian Clavier et Chantal Lobby, dans le rôle de parents clairement racistes qui ont plusieurs enfants, qui se marient avec un musulman, un juif et un chinois. Du coup, la cohabitation est quand même un petit peu compliquée. France 2, Le Grand Partage, c'est une comédie avec Karine Viard et Didier Bourdon. L'histoire se passe en France en hiver et pour lutter contre le manque de logements, le gouvernement oblige les propriétaires bien logés d'accueillir chez eux des moins bien lotis. France 3, les enquêtes de Vera toute la soirée avec cette dame au chapeau. Mais non, je vais pas vous faire le coup du chapeau de Zozo. Trop tard, je l'ai fait. Bon, en tout cas, ce ne sont que des rediffs. Canal Wide River, c'est un film policier. Alors, vous avez l'une des sœurs Olsen qui est au casting. C'est l'histoire d'un garde-chasse qui découvre le corps d'une jeune femme dans la neige. Arte, le hussard sur le toit, classique du cinéma. Que dire de plus, hein, que bon, si vous ne connaissez pas, regardez, mais normalement, on a tous vu ce film. Si tu n'as pas vu ce film à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. M6, zone interdite, croisière en famille, des vacances, de rêve. Ma femme rêve de faire une croisière. Je déteste les croisières, je suis malade en bateau. Du coup, on s'engueule. 23h05, enquête exclusive, amour et sexe au Maghreb. Ah bah voilà, ça c'est du nanar de la Villardière, pur jus. Le meilleur de la TNT, Lucifer, toute la soirée avec des inédits de cette excellente série. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90.

Ce ne serait pas la plus... La plus funky des radios. Je suis comme un fou derrière ce micro. À l'idée de vous diffuser les meilleurs titres soul, disco, funk, T-Connection de Duncan's, Métropole, ce sera totalement disco. Et là, c'est Earth, Wind & Fire en 1983. Bienvenue sur Espace. Funky Mix. Avec Manu. Manu on the mic. Get down, there's a party in motion. Everybody's on the scene. Oh!